c'est l'histoire des goûts des uns et des couleurs des autres. On connaît la chanson, comme on le rappelait hier, et la phrase de celui qui signifie qu'il sait déjà, qu'il n'apprend rien de nouveau et qui en connaît plus que l'autre. Comme pour les goûts et les couleurs, on pense toujours avoir meilleur goût que son voisin. C'est l'histoire de personnages et de milieux qui n'auraient pas dû se rencontrer, car on ne bouscule pas les cadres de référence et les barrières culturelles sans faire d'histoire. Voici donc ce matin cette histoire, telle qu'elle est racontée dans le film d'Agnès Jaoui de Jean-Pierre Bacri, Le goût des autres, en compagnie du philosophe Guillaume Leblanc. On peut tuer pour des goûts. Enfin bon, je pense qu'il y a une forme de racisme, ce que j'appelle le racisme de classe ou le racisme de l'intelligence, enfin bon, qui est d'une violence extrême dans la mesure où les goûts sont, comme on dit, viscéraux. Enfin, et les goûts, c'est notre position dans les classements, devenu corps, devenu mot, devenu nous-mêmes. Bon, et ces goûts sont évidemment des dégoûts. Et il n'y a rien de pire que cette forme de dégoût des autres, enfin, qui est un dégoût, déclassement des autres, de leurs attitudes, de leurs pratiques, etc. Bon. Moi, dans le goût des autres, je vois effectivement le premier sens. Le goût des autres, c'est de la merde, ce qu'on pense généralement, parce qu'on pense que nos références sont les meilleures. Mais c'est aussi beaucoup le goût qu'on a des autres ou pas, quoi. C'est-à-dire, et c'est ce deuxième sens qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire, et qui rejoint le premier, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le goût d'autrui? Est-ce qu'on a la curiosité d'autrui? Est-ce qu'on... Et c'est donc, on parle beaucoup de ça, quoi. On parle beaucoup des gens qui sont verrouillés, enfermés dans des certitudes, et puis ceux qui sont disponibles et ouverts et qui ont une chance de changer. Ouais. Ah, vous connaissez? Juanita Banana, Juanita Banana. Oh, si je connais. Oh, alors, qu'est-ce que c'est ça? Bonjour Guillaume Leblanc. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie sociale et politique à l'Université de Paris. Vous avez récemment fait reparaître L'insurrection des vignes minuscules aux éditions Bayard consacrées au personnage de Charlot. C'est du personnage de Bacri que nous allons parler ce matin avec ce film Le goût des autres. Comment vous comprenez ce titre, vous? C'est un très beau titre déjà, je trouve, qui donne envie d'y goûter. Ouais. C'est un titre qui, je trouve, a deux entrées possibles. Dans un sens premier, évident, c'est quel est le goût des autres, au fond. Chaque personne a un goût particulier pour la musique, pour l'opéra, pour le rock, je sais pas. Et donc, entrer dans la vie d'une personne, c'est entrer dans son goût, hein, dans ses goûts, dans ce qui fait que, justement, elle tient à des préférences artistiques ou culturelles au sens large. Et de ce point de vue, effectivement, la question de la communication entre ces goûts se pose, puisque il n'y a pas de principe de préférence sans des aversions, sans tout un système de haine à l'égard de certaines choses, de dégoût. Il n'y a pas de goût sans dégoût. Ça, c'est un premier sens qui est. On voit dans le film comment chaque personne est d'une certaine manière enfermée dans un certain rapport au monde, aux autres, aux œuvres, dans un goût particulier. Mais il y a un deuxième sens auquel d'ailleurs Bacri ici renvoie et qui me semble très très fort, c'est un sens de est-ce qu'on peut goûter aux autres? Est-ce qu'on peut avoir du plaisir à se sentir avec les autres? Est-ce qu'on peut être en compagnie finalement? Et pour ça, ça suppose effectivement un art de la rencontre et donc forcément que le film s'ouvre sur cette réflexion sur la possibilité de la rencontre. Et justement, pour rencontrer, il faut peut-être vaincre un certain nombre de malentendus qui tiennent précisément au goût, au sens de système de fermeture que nous avons et donc aux attendus que nous avons à l'égard des goûts des autres, justement. C'est là où le film est très fort, c'est qu'il n'est pas simplement l'application de la pensée bourdieusienne. On entendait la voix de Bourdieu en ouverture, hein. Bourdieu qui, dans son livre La Distinction, en 79, va critiquer ce qu'on appelle l'universalité du jugement de goût, enfin ce que Kant appelle l'universalité du jugement de goût, pour dire non, nos goûts sont déterminés, et on est enfermé, au fond, dans des classes qui déterminent nos propres goûts. Le film ne propose pas simplement l'application de cette réflexion, mais aussi la deuxième partie sur laquelle vous avez insisté, et c'est Bacri qui l'a formulé lui-même, le fait que il y a aussi une possibilité de changement. D'un côté déterminisme, de l'autre possibilité de changement. Le film le montre à merveille. Et je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas davantage de films sur ce sujet. Le film date de 2000. Oui. Il a eu un énorme succès à la sortie, près de 4 millions d'entrées. Et à chaque fois qu'on, dans cette émission, on parle des histoires de goût, on se sert de ce film pour l'illustrer, tellement il y en a peu. C'est étonnant, non? Non, c'est vrai, oui, tout à fait. C'est vrai que ce qui est superbe dans ce film, c'est que je trouve, on va y revenir très certainement, il passe d'un registre finalement sociologique de l'approche du goût vers, donc avec des formes de déterminisme comme ça très, très, très prégnantes. Hein, et on a les frontières qui sont montrées d'une manière incroyable, ne serait-ce que par la sœur de Castella, l'entrepreneur, donc jouée par Bakri. Sa sœur qui revient dans la ville de Castella, la femme de Castella qui est décoratrice veut redécorer son appartement et elle est confrontée à tous les sens du terme au goût qu'elle juge mauvais de la sœur de Castella, et donc elle est l'incarnation du bon goût face au mauvais goût. Donc on est vraiment dans un système de fermeture, et progressivement, je trouve, dans le film, il y a une espèce d'échappée vers quelque chose de beaucoup moins déterminé, vers une sorte d'indéterminisme presque. Et comment arrive-t-on à l'indéterminisme depuis le déterminisme? C'est ça qui est la super question du film. Je pensais à cette phrase de Bourdieu dans laquelle il explique, c'est dans un entretien, il dit « Le goût, c'est cette capacité bizarre de faire des distinctions qui distinguent ». Alors, c'est sûr que de ce point de vue, manifester son goût, c'est manifester un sens de la distinction. Et si on part dans ce registre, on est forcément dans un ensemble de manifestations artistiques, culturelles, esthétiques, qui témoignent d'une sorte de ce que Bourdieu avait appelé un capital symbolique, au fond, et donc de son positionnement dans une classe culturelle au sens large du terme. Bref, on est dans un système de castes, au fond. Ouais. Et les castes, ce sont à la fois des classes et des classements. Et donc, on est à la fois classé dans la classe et classé dans les classements. Et ce qui est fort dans le film, c'est que justement, c'est un apprentissage du déclassement, au sens fort du terme. C'est-à-dire, comment est-ce que progressivement, non pas on quitte sa classe, parce que je ne crois pas qu'on soit dans une problématique du transclasse ou de quelque chose de cette nature, mais plutôt comment on approfondit à l'intérieur de qui on est, culturellement, socialement, professionnellement, comment on approfondit finalement un registre de rapport à l'autre plus authentique, moins justement socialement déterminé. Et le film parle de ça, je trouve. Ouais, le film met en scène, organise des rencontres improbables pour justement essayer de déconstruire le statut social des personnages. Le synopsis, il est assez facile à raconter. On est à Rouen et on a le personnage de Jean-Jacques Castella, joué par Jean-Pierre Bacri, qui est un chef d'entreprise autodidacte, qui gagne bien sa vie, qui s'ennuie avec sa femme et qui, à l'occasion d'une représentation d'une pièce de théâtre de Bérénice, va tomber amoureux d'une femme dont tout l'éloigne, qui est une actrice, qui est cultivée, et pour le dire de manière assez schématique, et le film est beaucoup plus subtil que ça, lui il a le capital économique, elle a le capital culturel. Et là où le film, encore une fois, est très réussi, c'est qu'il n'est pas entièrement orchestré autour de cette rencontre et de la crise qui va en sortir, mais c'est qu'il est peuplé de beaucoup de personnages qui chacun vont vivre une histoire, chacun va vivre une histoire qui va remettre en question ses propres goûts. Au fond, c'est ça. Donc, il n'y a pas juste une thèse à défendre. Il y a une multiplicité de situations qui met en scène de manière différente à chaque fois le même problème de la rencontre avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Oui, exactement, exactement. C'est ce qui est très beau dans ce film, c'est que c'est peuplé de scènes qui chacune ont leur quasi autonomie sur la possibilité de rencontrer ou de pas rencontrer. Typiquement, quand le garde du corps Franck, qui est joué par Gérard Lanvin, tombe amoureux de Mani, l'ami de la comédienne qui travaille dans un bar. Agnès Jaoui, voilà. On a là une relation qui commence à s'instaurer et qui, en même temps, justement, suppose que chacun des deux fasse un pas vers l'autre. Un pas, c'est-à-dire effectivement que cette amie Agnès Jaoui, donc Mani, qui qui fait un peu de trafic de drogue à côté de son métier. Ça suppose qu'elle aille vers ce représentant de l'ordre qui est joué par Gérard Lanvin et inversement. Et on voit comment les rencontres jouent sur la possibilité ou non de se déplacer, par rapport à qui on est justement. On est toujours autour des mêmes sujets. C'est le rapport entre les gens et tout ce qui fait que qu'un être humain se retrouve à dire quelque chose et à vivre quelque chose qui pense être personnel et indépendant et qui n'est souvent que le résultat de ses préjugés, de sa culture. Donc, à nous, ça nous fascine, ça. Qu'on puisse être aussi téléguidé, qu'on a envie de le traiter tout le temps, quoi. Voilà, il y a que ça qui nous plaît, c'est tout un monde. Ça m'amuse chez moi aussi, je me vois en train de faire des choses. Par exemple, c'est pas bon de fumer, on vient d'aller en fumer une, et pourtant on sait que c'est pas bon. On ne devrait pas rappeler machin et pourtant on le fait, on ne devrait pas rappeler machine et pourtant on le fait, on devrait dire les choses comme elles sont à truc, mais on n'a pas pu. C'est ça un être humain, c'est un être humain qui, un être humain, c'est quelqu'un qui pense toujours que la raison l'emmènera où il faut et on s'aperçoit qu'encore une fois, la raison a perdu, quoi. C'est ça un être humain, quoi. D'illusions, je crois. Peut-être que c'est toi qui vois le mal partout. Non, je regarde les choses en face, c'est tout. Je dis pas que ça arrive pas, ça doit arriver de temps en temps, évidemment. De temps en temps, tu rigoles. Comment, au bureau ou en classe, c'est partout pareil, hein. Sur 10 mecs, tu vois toujours un gros con, bah là c'est pareil. Ils sont pas tous malhonnêtes, faut pas déconner. Ouais, tu dis ça parce que tu sais pas le quart de ce qui se passe. Tu penses bien qu'ils vont pas venir te le raconter. Mais dès que tu remets un peu la soupe. Tu prends une douzaine d'huîtres par exemple au restaurant, c'est pas parce que t'en trouves une qui est pourrie que tu vas balancer ça toutes les huîtres à la poubelle. Tu vas pas me prendre 40 exemples. La classe, le bureau, les huîtres, ça va, j'ai compris. De toute façon, une huître, c'est pas un homme. Tu proposes ça qu'à une huître, qu'est-ce que tu veux qu'elle en foute? Il est pas bon ton exemple, là, excuse-moi. Ouais, bon, celui-là, il est pas bon, mais n'empêche, tu peux pas condamner tout le monde parce qu'il y en a un qui se fait acheter de temps en temps. Ce mec, il était peut-être honnête, t'en sais rien. Alors pourquoi siffle pas Pénalty alors que ça crève les yeux? Peut-être qu'il a pas vu. Je dirais pas que c'est une formalité, mais ça doit pas se conclure assez rapidement, à mon avis. Orange Simpson, je pense qu'on peut faire une croix dessus. Je m'étonne pas, c'est vraiment un PD, celui-là. Mademoiselle, oui. Tenez, apportez-nous des petits gâteaux, là, les petites... Des milliardises. Voilà, et puis l'addition, vous êtes gentil. Oui. Mais quoi? Mais tu vois, ça, par exemple, c'est pas bon du tout pour toi, c'est pas très indiqué. J'ai pas pris de dessert, j'ai envie d'un peu de sucré, c'est pas... Oui, mais c'est justement ces petites choses-là qu'il faut supprimer. C'est déjà très riche, ce qu'on a mangé, Chou. Bon, de toute façon, maintenant, c'est trop tard, là, les apporter, donc... Oui, est-ce que j'ai besoin d'être là, moi, demain? Vous pouvez pas aller tout seul? Je pensais que c'était une bonne idée que vous soyez présent la première fois. Enfin, si vous préférez. Je parle 4 mots d'anglais. Je vais être là sans arrêt à vous demander qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il a dit. Dites-lui que ça va ralentir, ça va compliquer. Ouais, allez-y tout seul, franchement, je préfère. Vous avez rendez-vous cet après-midi? 15h30? J'ai rendez-vous à 15h30? Avec qui? Madame Devaux, le professeur d'anglais. Ah oui. Est-ce que c'est bien utile, tout ça? Et oui, apprendre à parler anglais, c'est apprendre à parler une langue différente et dans tous les sens du terme. Guillaume Leblanc, c'est aussi ce que raconte le film. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. On parle du goût des autres. Ce matin, le film réalisé par Agnès Jaoui est coécrit avec Jean-Pierre Bacri. Dans cette série d'émissions, on parle justement des films auxquels est associé Jean-Pierre Bacri. Alors, plusieurs choses sur ce qu'on vient d'entendre. On a un programme assez chargé ce matin, Guillaume Leblanc. Il faut qu'on revienne sur la question du goût, sur cette fascination pour le déterminisme dont parlait Jean-Pierre Bacri. Dans l'archive qu'on a entendu, c'est une archive d'éclectique de 2011, sur la faculté qu'a ce cinéma de mettre en scène les moments les plus ordinaires de notre existence. On l'a entendu dans la scène d'ouverture, et pourquoi est-ce que dans ces scènes-là, il y a quelque chose de si bouleversant? On peut commencer justement avec ce que disait Bacri. Il disait, voilà, moi, ce qui m'intéresse avec Agnès Jaoui quand on travaille, c'est les choses qui fait qu'on est téléguidé, déterminé, et c'est ce qui fait qu'on est un être humain. La raison a perdu, cette défaite de la raison. Il y a quelque chose de bouleversant et d'intrigant de vouloir mettre en scène cette défaite de la raison. Oui, c'est vraiment très intéressant la manière d'aborder l'être humain, au fond, par ce thème de la défaite de la raison qui surgit dans l'entretien qu'on vient d'écouter de deux façons. D'une part, du fait de tous les déterminismes qui nous guident dans nos actions, qui font que nous ne sommes pas auteurs de notre existence. Hein, nous sommes existés plus que nous existons à proprement parler. Et puis, j'aime beaucoup comment Bacri, à partir de cette réflexion, glisse une analyse sur ce qu'on pourrait appeler en philosophie classiquement la faiblesse de la volonté. Hein. C'est-à-dire, au fond, effectivement, je vois ce que je devrais dire à mon ami, mais je lui dis le contraire. Je vois ce que je devrais faire, mais en réalité, je fais autrement. Je devrais ne pas fumer, mais je viens de m'en griller. Voilà, exactement. Je devrais pas prendre de petits gâteaux, mais je le fais quand même, etc. Il y a une espèce d'exploration de la faiblesse de la volonté qui, du coup, nous inscrit au cœur même de ce que c'est que vivre, au fond. Est-ce qu'on peut mettre en accord sa vie sa raison? Est-ce qu'on peut mettre en accord ses actes et ses propos? Qu'est-ce que c'est que mener une vie à peu près honnête? Et c'est très intéressant parce que dans l'extrait qui ouvre le film, on a entendu là, ouais. Voilà, on a cette réflexion sur l'honnêteté à partir de la question de la corruption. C'est dans la première scène, le chauffeur donc de Castella, Bruno, qui est Alain joué Chabat. Par Alain Chabat et le garde du corps, Franck, qui est joué par Gérard Lanvin, discutent entre eux sur visiblement une erreur d'arbitrage. L'arbitre n'a pas vu un pénalty qui devait être sifflé et le garde du corps pense qu'il y a là l'indice probant d'une corruption. L'arbitre a été acheté. Et Bruno essaie de lui montrer que non, c'est peut-être tout simplement une faiblesse de jugement, quelque chose qu'il n'a pas vu. Et je trouve que du coup, le point de départ du film, c'est la question de l'honnêteté. Est-ce qu'on peut rester honnête dans la vie? Et donc, on est typiquement dans une question de philosophie morale, dans une problématique presque de type perfectionnisme, où il s'agit justement de se demander si on peut un peu s'améliorer au fur et à mesure de l'existence, alors qu'on est complètement pris dans la faiblesse, justement, de la volonté, et donc dans une forme de vulnérabilité que le cinéma d'Agnès Jaoui, ici, de Bacri également, je trouve, explore de manière remarquable. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose qui tient à une exploration de nos vulnérabilités qui revient constamment. Et au lieu de mettre un mouchoir sur les vulnérabilités, on va les approfondir, on va les explorer, on va faire ressortir ce qu'il y a de conditions humaines dans l'ordinaire, justement. Et c'est ça que je trouve très, très fort. Sans doute qu'il y a, au niveau du cinéma, un héritage de Claude Sautet. Enfin, moi, je trouve que, justement, un film comme César et Rosalie et le personnage de Montand, enfin, le personnage de cette espèce d'entrepreneur pas très cultivé qui est joué par Montand, face, justement, à Sammy Frey qui représente l'artiste et la classe culturelle, est rejoué un peu dans ce film Le goût des autres, avec cette même exploration, justement, de nos vulnérabilités, de notre condition humaine au plus près de notre fragilité, justement. Vulnérabilité, vie précaire, vie ordinaire, ce sont vos thèmes de recherche, hein, Guillaume, oui, Leblanc, en philosophie. Je disais que vous aviez aussi fait apparaître un ouvrage sur le personnage de Charlot, l'insurrection des vies minuscules, où vous proposez cette hypothèse Charlot, justement, comment dans la grande précarité, il y a une possibilité d'évolution vers le bonheur qui peut advenir. Est-ce que ce serait trop en faire que de proposer une sorte de, voilà, vous parlez d'hypothèse Charlot, est-ce qu'il y a une hypothèse Bacri dans les films? Est-ce qu'il nous promet quelque chose aussi? Oui, c'est une superbe question qui est très très excitante de savoir s'il y a une hypothèse Bacri. Je crois que effectivement, ce serait vraiment intéressant d'explorer tous les films dans lesquels Bacri a joué, parce qu'il y a une constellation, et on se rend compte que oui, il y a sûrement une hypothèse Bacri qui tient pour ma part à la possibilité. Alors, avec Charlot, ce qui m'avait fasciné, c'est comment on a comme ça une petite vie, une vie un petit peu minuscule que Chaplin prend presque par hasard comme ça dans la foule, et il va en montrer l'opiniâtreté justement révolutionnaire, une sorte d'insurrection minuscule, un art de détourner les normes, etc. Avec Bacri, je dirais qu'on est plus dans l'exploration de l'homme entre guillemets moyen que de l'homme ordinaire. Quelle différence? Voilà, et ben la différence, c'est qu'il y a une créativité des vies ordinaires en tout cas explorée par Charlot, qui ne transparaît pas justement totalement dans l'hypothèse Bacri. Dans l'hypothèse Bacri, on est plutôt enlisé dans un ordinaire qui vous plombe littéralement, avec lequel vous en pouvez plus. C'est encore une fois la privation des petits gâteaux, c'est les sièges qui sont trop durs quand on va au théâtre. Rien ne va jamais. Ouais. L'ordinaire est une source d'emmerdement permanent et il faut arriver justement à tenir dans cet ordinaire. Et donc il y a une exploration de la durée de l'ordinaire. Je trouve que Bacri nous fait voir comment on parvient malgré tout à s'en sortir en instaurant de tout petits changements à l'intérieur de ce cours ordinaire des choses. Et ces petits changements finissent par produire quelque chose comme une attitude intérieure nouvelle. Typiquement, dans Un air de famille, dont vous allez parler jeudi prochain, jeudi, ouais. Voilà, il y a cette référence, Bacri joue quelqu'un qui possède un café, etc., mais qu'il ne souhaite pas véritablement transformer au grand dam de sa maman. Et à la fin, il finit par avouer que peut-être il pourrait en faire un pub. Et cet aveu, il est l'indice d'un changement intérieur. Ouais, c'est du café au pub, c'est un changement intérieur, c'est ça. Ben, c'est un changement intérieur au sens où ça suppose de se raccorder à sa maman, de se raccorder à sa femme qui est partie, et surtout de manifester une sorte de micro-ambition, de micro-changement qui implique d'avoir vu la vie autrement. Ce qui est très fort dans l'hypothèse Bacri, c'est que on explore la possibilité de voir la vie autrement. Et ça va finir par produire des petits effets qui font que l'ordinaire, brusquement, dérape un tout petit peu. C'est ce micro déraillage, entre guillemets, de l'ordinaire que, je crois, l'hypothèse Bacri incarne d'une certaine façon, à partir vraiment de la référence à l'homme moyen, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'a pas un capital symbolique revendiqué, qui peut avoir un capital économique, mais qui n'est pas non plus dans la distinction des manières de vivre liées à ce capital économique. Bref, je crois que là, il y a une espèce d'incarnation de la dignité, au fond, de l'homme moyen. C'est, ça serait ça que me suggère l'hypothèse Bacri. Eh ben, on va s'asseoir à côté de lui au théâtre. Au programme ce soir, c'est Bérénice de Racine. Il ne connaît pas la pièce. Il y va parce que sa nièce joue sur scène. Et là, c'est le choc. Souvent, ce cabinet superbe et solitaire des secrets de Titus est le dépositaire. Oh, putain, son verre. C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour. Ces costumes. De son appartement, cette porte est prochaine. Et cet autre conduit à celui de la reine. Si nous ne pouvons commander à nos pleurs... Mais c'est pas Virginie là-bas, au fond. Que la gloire du moins soutienne si, nos douleurs. Si, mais que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre? On va bouffer après, hein? Bon, on attend que la reine, évidemment. Salut, original. Mais quel ennui, mais quel ennui. Eh ben moi, ça va plus. Oui, j'arrive. À demain. Ciao. On t'attend dehors. On avait mis Bérénice de façon instinctive, quoi, on va dire, pas très réfléchie. Moi, je sais que Bérénice, que le jour recommence et que le jour finisse, etc. Enfin bon, c'est parmi les plus beaux vers que j'ai jamais entendus, et je pense qu'ils sont très accessibles à tous. C'est aussi l'histoire d'une étrangère qui est rejetée par un empereur, parce que c'est Rome, quoi. Oui, et qu'elle ne fait pas partie de cette cour. Donc, c'est aussi une histoire de deux mondes qui ne peuvent pas se rencontrer. Et il se trouve aussi que c'est la seule tragédie qu'ait jamais jouée Anne Alvaro. Mais ça, je l'ai su après. Enfin, j'aime beaucoup cette pièce. Voilà. Les chemins de la philosophie. France Culture. Adèle Van Rett. Bérénice raconte l'histoire aussi de deux mondes qui ne peuvent pas se rencontrer. C'est Agnès Jaoui qui le dit, hein, vous l'avez entendu dans une archive de projection privée du 5 mars 2000. Et cette rencontre a lieu dans le film Guillaume Leblanc, puisque Jean-Pierre Bacri, qui assiste à cette représentation, va être subjugué par la prestation de l'actrice Clara Devaux, qui s'avère être sa prof d'anglais. On l'a entendu au début du film, il doit prendre des cours d'anglais pour son entreprise et pour signer un contrat très important. Il n'a pas du tout envie, il parle très mal anglais. Apparaît sur scène donc sa prof d'anglais, dont il découvre qu'elle est actrice. Et là, alors qu'il avait dit, mais c'était sa phrase, oh putain, c'est Anvers, il savait pas que Racine c'était Anvers, et il est subjugué, il est amoureux. On parle de quoi là? D'une sorte de choc esthétique, c'est ça qui se passe? Oui, c'est un transport, hein. C'est un transport, l'amour est un transport. L'amour est un déplacement dans tout le système des classes, des classements, et donc un bouleversement. C'est une espèce d'irrégularité qui surgit comme ça et qui fait que deux mondes qui ne devraient pas se rencontrer se rencontrent. La phrase d'Agnès Jaoui, là, est vraiment incroyable parce que effectivement, la pièce de Racine explore ces deux mondes qui ne parviennent pas à se concilier parce que Rome rejette l'étrangère et donc qui est Bérénice. Voilà, qui est Bérénice, donc Titus tout puissant qu'il est ne pourra pas se marier avec Bérénice et là on a une sorte de démenti dans la scène de la représentation. On a une sorte de démenti justement de ce pessimisme de Racine. Mmh. Puisque Bacri va justement progressivement se déplacer vers cette comédienne, et elle-même également tout au long dans la suite du film, il va y avoir donc, ce qui est très beau, une sorte de rencontre entre deux mondes, et même mieux de composition de mondes. Et cette idée de la composition des mondes, elle court-circuite complètement la violence symbolique de celle qui est la comédienne détentrice du capital symbolique par rapport à celui qui est qui a un goût moyen entre guillemets et justement cette lecture un petit peu bourdieusienne des frontières de classe culturelle elle s'effiloche. Elle va s'effondrer à partir de cette possibilité de la rencontre, à partir de cette possibilité de l'amour. Mmh. Et d'ailleurs, ça me fait penser que cette hypothèse est encore en accord avec Bourdieu, puisque dans la domination masculine, la conclusion de la domination masculine est un plaidoyer vibrant pour l'amour. Et dans ce texte, Bourdieu explique que l'amour est le seul moment, en quelque sorte, la seule expérience dans laquelle on peut échapper à la domination. Ce qui d'ailleurs supposerait aussi de réfléchir à cette. Pourquoi ? Parce qu'il y a égalité, il y a une totale égalité. On retrouverait la même idée un peu chez Foucault avec la question de l'amitié. Hein. L'amitié, c'est ce qui échappe au pouvoir. L'amour, c'est ce qui échappe à la domination. Parce qu'on est dans un apprentissage d'égalité. Mais l'égalité, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est pouvoir se mettre d'une certaine façon à la place de l'autre. C'est pouvoir goûter l'autre, c'est être transporté par l'autre de manière à entrer complètement dans la singularité de cette existence. Et en ce sens, c'est ça qui arrive dans la scène, justement, comme une sorte de révélation, dans la scène que nous venons d'entendre, justement. Oui, est-ce que le goût esthétique est la même chose que le goût des autres? Il faut qu'on s'arrête quand même un instant sur cette question. Oui. Du goût qui est redoutable en philosophie. Hein. Oui. Beaucoup de philosophes s'y sont attelés sans forcément arriver à élucider. Et c'est ça qui est passionnant, cette histoire du goût. Est-ce que le goût des autres est la même chose que le goût pour une œuvre d'art, par exemple? Alors là, je pense qu'on peut peut-être faire une rapide exploration un petit peu historique parce que c'est vrai que à la fin du XVIIIe siècle, donc Kant, dans sa critique de la faculté de juger esthétique, explique comment le jugement de goût se construit, quelles sont les conditions de possibilité de ce jugement, c'est-à-dire quelles sont les conditions par lesquelles je trouve qu'une œuvre est belle, et c'est toute l'exploration du désintérêt que Kant mobilise dans le rapport à l'œuvre d'art. On peut dire qu'à partir de Kant, la critique de la faculté de juger, mais c'était déjà en germe chez Hume avec le texte sur la règle du goût, The Standard of Taste, on peut dire que de Hume à Kant s'instaure l'idée que le jugement de goût concerne principalement les œuvres d'art. Mm-hmm. C'est une idée qui forme et qui fonde un peu notre modernité, au fond. Et Bourdieu, quand il travaille reprend la question des conditions sociales du goût dans la distinction, s'inscrit complètement dans la lignée de Kant. D'ailleurs, il dit qu'il veut accomplir Kant. Mmh. Simplement, lui, il veut élucider les conditions sociales du goût. là où Kant voulait élucider les conditions, disons, transcendantales de ce jugement de goût. Mais ça, je dirais que c'est notre modernité la plus récente, mais c'est très intéressant de voir comment s'établit une frontière avec la figure du goût, telle qu'elle apparaissait, telle qu'elle a été développée avec le gusto italien, avec le goût français au XVIIIe siècle, avec le goût anglais ou anglo-écossais, avec un auteur comme Shaftesbury dans les caractéristiques, par exemple, qui date de 1710 ou 20, je ne sais plus, au début du XVIIIe siècle. Parce que là, on a l'idée que fondamentalement, le goût, c'est une manière d'être avec quelque chose. C'est une manière délicate. C'est un tact, au fond. Le goût apparaît comme un tact, c'est-à-dire comme une façon de... En deux mots, un tact. Voilà, tact, en deux mots, exactement. Le goût apparaît comme une façon de se saisir avec délicatesse d'une chose, d'un être. Et donc, il y a cette idée qu'on trouve très développée dans les caractéristiques de Shaftesbury, que le goût, par exemple, permet un plaisir de la conversation, un plaisir de la communication, un plaisir d'être ensemble, qu'il est une condition de la sociabilité, en quelque sorte, des intelligences. Et je crois que cette figure du goût comme tact, elle a été finalement obscurcie dans l'histoire de la philosophie par cette nouvelle figure du goût comme jugement esthétique en rapport à des œuvres. Et c'est très intéressant peut-être de remonter à cette figure première du goût. Je crois que le film, d'une certaine façon, déconstruit le jugement de goût esthétique en revenant vers l'idée que le goût est un tact, une façon de sentir, une façon de toucher. Dans tact, il y a l'idée de toucher. Le goût est un toucher. Le goût, c'est le toucher de l'autre. C'est pouvoir toucher l'autre dans ce qu'il est réellement, une fois qu'on a écarté les qualités sociales, professionnelles. Donc ce serait inné ? Non, ce n'est pas inné. Ça suppose une culture, ça suppose une éducation. C'est toute la grande question, d'ailleurs, que l'on voit développer chez Shaftesbury et que reprendra Hume sur ce point. C'est-à-dire qu'il faut une éducation au goût. D'une certaine manière, il faut arriver à s'éduquer ou à être éduqué pour comprendre ce qu'il y a de commun entre toi et moi, pour comprendre cette commune condition dont parlait déjà Montaigne dans les essais quand il dit qu'il embrasse l'humaine condition et qu'il n'y a aucune distinction à faire entre ce qu'il y a de plus bas et ce qu'il y a de plus haut en termes de qualité. Parce qu'en réalité, justement, si j'arrive à neutraliser les qualités sociales des uns et des autres, si j'arrive à neutraliser le fait que un tel est un grand, entre guillemets, et qu'un tel est un petit, entre guillemets, je parviens à comprendre l'humaine condition, c'est-à-dire je parviens à comprendre ce qu'il y a de commun entre toi et moi. Et ça suppose justement une affaire de goût, et donc une affaire d'éducation. Mais il n'y a pas une hiérarchie donc dans le goût, c'est ce que vous dites, le goût peut être pensé indépendamment des objets du goût, c'est ça? Parce qu'on parle d'un homme de bon goût, c'est-à-dire que l'homme de bon goût, c'est celui qui aurait le goût développé, mais pas forcément qui irait vers certains objets plutôt que d'autres. L'homme de bon goût, c'est celui qui en tout cas au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est celui qui a été suffisamment éduqué pour apparaître justement comme une sorte de virtuoso de l'appréciation qui fait que son jugement va avoir une certaine importance. Donc effectivement, on accorde crédit à l'homme de bon goût. Alors à partir de là, on peut dire, bah oui, typiquement, puisqu'on accorde crédit à l'homme de bon goût, se reconstitue une norme de la distinction qui va justement apparaître comme une nouvelle frontière. Et c'est tout le paradoxe, justement. Paradoxe mis en scène dans le film Le goût des autres, dans cette scène du restaurant, scène d'humiliation du personnage joué par Bacri Castella, qui ne connaît rien au théâtre et qui se retrouve à dîner avec une troupe. Alors, il n'y a pas que des comédiens, mais des gens du théâtre qui connaissent tout et qui lui font croire, par exemple, que Strindberg ou Ibsen sont des auteurs comiques. Et bon, une fois que c'est terminé, bon, ben, elle sort de la salle de bain, elle va se coucher, ils éteignent la lumière. Et dans l'obscurité, au bout de 3 secondes de silence, on entend le type qui dit « Mais je trouve pas que ça sent un peu la merde, quand même ?» Olé. Oh, je me demande si c'est pas la meilleure celle-là. Elle est fine, elle est très fine. Moi j'ai quand même une petite préférence pour celle d'avant sur le vomi là. C'était drôle. Oh, dans ce genre-là, j'en ai une alors là qui est très très marrante. On va peut-être arrêter là maintenant. Si, avec le mec on est à table et moi les histoires scatologiques, pardon, monsieur. Ah, pardon. Ouais, pardon, c'est vrai. Vous êtes actrice, vous aussi? Non, moi je suis costumière. Enfin, je suis au chômage, mais quand je travaille, je suis costumière. Ah, mais vous êtes souvent au chômage dans ce milieu quand même. Hein. Oui, c'est ce que je me dis tous les matins. Et pourquoi vous ne faites pas une pièce comique? C'est bien parce que les gens, ils veulent qu'une chose, c'est se distraire. Ils veulent oublier leurs soucis. Ils n'ont pas envie de se... Vous voyez, regardez ce soir, par exemple, c'était plein. Alors que la dernière fois, il y avait quoi? Il y avait la moitié de la salle, même pas. Bon, vous savez bien, ça m'avait plu, moi. Mais les gens, en général, ils préfèrent quand c'est drôle. À mon avis, vous devriez faire du comique. C'est vrai, il a raison. Tu passes ton temps à jouer du drame, après tu cartonnes. Ah ben d'accord, je vais essayer là, je vais faire du comique. Hein. Je pense que ton prochain spectacle, ça peut lui plaire. Ah ouais, avec Ibsen, il peut mourir de rire. Avec qui? Ibsen. Ah oui, Ibsen, il est rigolo, lui. C'est une sorte de comique norvégien, vous voyez. À froid, quoi. Il y en a un autre aussi qui est très très drôle, c'est Strindberg. Ah, c'est vrai. Steve Dagerman. Lars Noren. Werner Schwab. Tennessee Williams. Oui. Enfin, moi, je préfère Ibsen, c'est le plus drôle, c'est vraiment le plus marrant quand Nora quitte Elmer à la fin de La Maison de Poupée, c'est quand même marrant. Non, mais on plaisante, là, Ibsen est pas du tout rigolo. Ça va maintenant. Et oui, cette scène d'humiliation, on l'a sans doute tous subie, on l'a sans doute aussi tous infligée. Hein. C'est ça que montre le film quand même, Guillaume Leblanc, oui. C'est que les rôles peuvent s'intervertir très facilement. Le goût classe, et classe celui qui classe, disait Bourdieu en tout début d'émission. Là, on assiste à ce qu'on pourrait appeler une forme de mépris de classe, c'est ça? Oui, complètement. C'est vraiment une scène de mépris qui est terrible. Parce que effectivement, vous avez raison. On expérimente grâce à cette scène que l'on peut combien on est souvent méprisant et combien on est souvent méprisé. Et par le fait que justement, on expérimente qu'on n'est pas à la place qu'on devrait être dans un moment particulier de son existence. Et là, c'est très très bien montré, cette frontière de classe. Elle est montrée comme une frontière de classe culturelle entre ceux qui sont les artistes, la communauté des comédiens, metteurs en scène, peintres, etc. Et puis celui qui est justement l'entrepreneur dont on pense que ses jugements sont liés à l'appréhension de l'utile, à la valeur économique des choses. Et donc on voit très bien comment la préférence pour la comédie dont il parle, oui, c'est ça, est liée à une espèce de version, comme dirait Bourdieu, un peu utilitaire de l'art. L'art, ça fait rire. Et si ça fait rire, ça plaît aux gens. Et si ça plaît aux gens, c'est utile. Oui, c'est ça. Les gens, c'est formidable. Voilà. Les gens, on dit toujours les gens quand on croit parler des autres alors qu'on parle de soi. Exactement, exactement. Alors que la tragédie, c'est justement c'est l'amour de l'art pour l'art. C'est ce qui ne sert à rien d'une certaine façon. Et donc, c'est l'inutile par excellence. Donc, il y a cette frontière entre l'utile et l'inutile qui est complètement mise en scène dans ce passage à partir du rire des comédiens et la troupe d'artistes, de comédiens, etc., d'acteurs, qui est un rire de moquerie et qui est en même temps un rire de dégoût à l'égard justement de ce mauvais goût qui vient s'incruster comme un parasite, comme un intrus dans la communauté des élus. Parce qu'au fond, il y a quelque chose il y a quelque chose un peu de ça. Il y a un intrus vient perturber la rencontre de la communauté des élus, des artistes, et projette son monde. Qui est jugé et vécu comme immonde par les autres, dans le monde des élus. Et c'est justement cette scène est le sommet peut-être de la manifestation des frontières de classe au sens économique et culturel qui perce dans le film. À partir de là, justement, je trouve que le film va prendre une autre ampleur, justement, et il va, d'une certaine manière, s'acharner dans toute la suite, à défaire ce moment très fort de mépris, au fond. C'est ça, jusqu'au moment où Castella, donc Jean-Pierre Bacri, va rejoindre le vernissage de l'un des convives qui était présent au moment du repas, qui donc expose ses œuvres. Et il va avoir une formule très malheureuse que je vais être obligée de dire moi-même. Parce qu'il dit, voilà, il dit, regardez, les journalistes sont pas venus, c'est vraiment des PD, dit-il. Et là, le personnage dit, bah quoi, des PD? Bah, c'est-à-dire, oui, bah, c'est mon cas et mon ami. Donc, bah, Cri est extrêmement mal à l'aise. Et il achète un tableau ce soir-là. L'artiste ou son ami dit, mais voilà, tu fallait pas te sentir obligé d'acheter un tableau, t'as fait une gaffe, c'est pas grave. Et lui dit, bah non, mais j'aime vraiment ce tableau. Et vers la fin du film, on va entendre l'extrait, bien le personnage donc de la prof d'anglais, qui est l'actrice aussi, va aller le voir parce qu'elle est très gênée, elle pense qu'il a acheté le tableau juste pour se faire pardonner. Et lui va essayer de se défendre et je crois qu'il est honnête, vous me direz. Il dit, mais non, en fait, j'ai pas acheté ce tableau par intérêt pour me faire pardonner, c'est par goût, justement. Écoutez l'extrait, il est introduit par Jacques Rancière. Vous n'avez pas à chercher à rendre les gens égaux, vous avez à partir de la présupposition qu'ils le sont, quoi. Qu'ils le sont, ça ne veut pas dire forcément que tout le monde va pouvoir faire la même chose en face de moi maintenant. Qu'ils le font, ça veut dire qu'ils ont tous la même intelligence. Ils ont tous, au fond, bon, les mêmes capacités. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ont tous appris à parler. Ils ont tous appris à parler leur langue maternelle sans que personne ne leur ait jamais appris. Bonjour. Bonjour. Je viens sans rendez-vous, je suis désolée. Non, je ne vais pas vous déranger longtemps. Il faut que je vous parle de quelque chose qui me tracasse. Je me sens un peu... Je me sens responsable... Enfin voilà, je sais que vous comptez mettre une grosse somme d'argent dans une peinture, une fresque pour l'entrée de votre usine. Ouais. Ça ne me regarde pas évidemment, mais comme ce sont des gens que je vous ai présentés, je me sens mal à l'aise, je me sens responsable. Enfin pour être clair, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire, disons, abuser. J'en ai parlé à Antoine, et bien qu'il me dise le contraire, j'ai franchement l'impression qu'il est en train de profiter de vos sentiments, de votre sympathie pour moi, je ne sais pas. Attendez, je comprends pas, là. Il profite de mes sentiments pour vous, c'est-à-dire... J'aime ces peintures, je les achète, voilà, c'est tout, je vois pas où est le problème. Ah bon, bah d'accord. C'est pour ça que vous êtes venu. Oui. Et vous pensez que je les achetais pourquoi? Vous pensez que c'était pour vous plaire, c'est ça? Pour me faire bien voir? Je sais pas, peut-être. Vous avez pas imaginé une minute que ça pouvait être par goût? C'est l'opinion que vous avez de moi. Vous inquiétez pas, c'est par goût. Et même si ça vous paraît incroyable, hein, pas pour vous plaire. Vous plaire, vous m'avez déjà expliqué que c'était même pas la peine d'y penser, j'ai très bien compris. C'est le genre de choses que même moi j'arrive à comprendre. On parlait de la possibilité de changement inhérente à chacun des personnages inventés par le duo Bacri-Jaoui, hein, Guillaume Leblanc. Ici, on voit que le personnage de Bacri a évolué. Son goût esthétique s'est dissocié de son goût amoureux pour sa prof d'anglais et pour la comédienne qui vient le mettre en garde. Et elle sent bien qu'il lui échappe. Elle n'a pas imaginé une seconde qu'il puisse avoir du goût pour une fresque artistique. C'est l'arroseur arrosé et ce retournement de préjugés a quelque chose de bouleversant pour notre spectateur. Et c'est vraiment le moment le plus sans doute bouleversant du film, parce que je crois d'ailleurs que c'est le premier moment où apparaît le terme de goût dans le film, je pense. Hein. Je ne crois pas l'avoir entendu avant. Et là, il est revendiqué par Bacri comme une sorte de compétence qui est la sienne. Ouais. De présupposition et du coup ça c'est très bien d'avoir raccordé au texte de Rancière avant, parce que je crois que là on est vraiment dans la présupposition de l'égalité que développe Rancière notamment dans Le Maître ignorant, mais dans tout son travail, c'est-à-dire qu'effectivement Bacri aime cette œuvre et il explique que c'est son goût justement, ce qui implique que là où ça déconstruit totalement le système de finalement d'annotation mentale de la comédienne, puisque elle était partie sur une idée, sur un scénario, presque un script dans lequel Bacri ne pouvait pas aimer cette œuvre. Et au fond, elle est défaite dans ses jugements, dans ses préjugés, du coup. Elle est défaite dans ses jugements par le goût manifesté par Bacri. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une présupposition d'égalité. Et c'est là où le film commence à s'indéterminer, justement. Parce que toute la lecture première du déterminisme social, du déterminisme culturel, vole définitivement en éclat par l'affirmation du goût par Bakri. Alors, on peut penser que affirmer son goût à ce moment-là, dire que j'aime ce tableau à ce moment-là, c'est la suite de la pièce de Racine, Bérénice. J'aime cette pièce, j'aime ce tableau. Et on peut penser que dans la généalogie de Bakri, c'est un effet aussi de l'amour. Et donc c'est très intéressant parce qu'on voit que l'amour, c'est ce qui justement déplace les sujets, les sort de leur appartenance initiale, les transporte littéralement vers d'autres amours, l'amour de Racine, l'amour de l'œuvre. Donc il y a une dimension comme ça un petit peu révolutionnaire finalement. Qui passe par l'éducation du goût, de son propre goût. Au fond, quand ils disent c'est mon goût, c'est par goût. C'est une manière de revendiquer aussi une forme de liberté, une forme d'indépendance qui va avoir pour conséquence d'ailleurs de quitter son épouse qui est décoratrice intérieure et dont il se rend compte qu'elle a un goût très très différent du sien, qu'elle a sans doute mauvais goût selon ses propres critères. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant de voir que le goût n'est pas simplement une faculté esthétique secondaire, mais qu'elle est aussi le lieu de d'une revendication de soi, d'une faculté d'exprimer sa propre voix. Il y a une dimension ici qui, je fais écho à ce que disait Rancière, qui est proprement démocratique. Il y a une dimension politique là, très forte. Exactement, il y a une dimension vraiment démocratique au sens où le goût, c'est peut-être, d'ailleurs, certaines analyses de Bourdieu vont dans ce sens aussi, le goût, c'est ce à quoi on n'est pas prêt à renoncer finalement. Il y a quelque chose de vital dans le goût. Et ne pas être respecté dans son goût, c'est être nié dans sa propre vie. Et c'est d'ailleurs ce que Bakri explique à sa femme, qui est décoratrice, quand il accroche le tableau chez lui, alors que les murs sont saturés de décorations, de petites fleurs, etc. Comme il le dit à un moment donné, j'en ai marre avec ta bonbonnière. Quand il pose son tableau sur un mur, il dit ça au moins, ce sera moi. C'est la seule chose de moi dans cet appartement bonbonnière. Et donc il y a une dimension vraiment de vitale. Il faut que je puisse exprimer mon goût. Il faut que je puisse m'exprimer, sinon je n'existe pas. Et ça, c'est ce que Bakri ici manifeste devant justement la comédienne qui est toute prête à le plaindre, à s'apitoyer, à avoir une sorte de commisération morale comme ça à l'égard de cet être et qui est complètement renversée dans ses certitudes parce qu'elle se rend compte qu'elle a affaire à une existence totalement autonome, totalement affirmée, qui est porteuse de ses propres normes, justement, de goût. C'est ça, et elle n'était pas prête, elle, à ce type de rencontre. Vous aviez, en début d'émission, indiqué justement que c'était aussi le sujet de ce film, cette rencontre qui va avoir lieu dans la vie de Bakri à l'occasion de la représentation de Bérénice. Elle est figée dans ses préjugés, elle n'est pas prête à cette rencontre. Et d'ailleurs, ce point-là est exacerbé par ses amis qui, elles, vont faire des rencontres au cours du film et des histoires d'amour qui vont fonctionner. Et elle, tout d'un coup, elle se dit, mais en fait, je passe à côté de la possibilité d'une rencontre. Oui. C'est là où c'est très beau. Oui, elle passe à côté de la possibilité de la rencontre parce qu'elle est elle-même enfermée dans un système de préférence culturelle, artistique, donc dans une classe culturelle, au fond dans un monde symbolique qui a d'emblée éloigné cet entrepreneur comme finalement un quelqu'un qui n'est pas de son monde. Et justement, ce qu'il y a de très fort dans la rencontre, c'est la possibilité de se dire que le monde de l'autre peut devenir aussi mon monde. Qu'il y a quelque chose dans le partage des mondes qui forme la qualité et la beauté de l'amour, justement. Alors, est-ce qu'on se marie ? Quand tu veux. Ben, je finis mon contrat ici, puis on se marie. D'accord. Je plaisante. Oui, moi aussi. Après, on prend des vacances et on se fait un petit voyage de noces. Ah bah oui, bien sûr. Un petit voyage de noces. Puis après, on revient, puis tu t'installes ici. Ah non. C'est toi qui déménage et qui me suis. Je te suis où? Eh ben, ça dépend. Une fois ici, une fois là. Ça dépend. Ah bon? Et je fais quoi, moi, pendant que tu travailles? Des enfants, le ménage, la cuisine? Et alors, c'est déshonorant? Bah, fais-le, toi. On reste ici, je travaille, et toi, tu t'occupes de la maison. C'est pas déshonorant. Faut pas t'emmerder, toi. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu te laisses pas faire? Et alors, je devrais? Non, t'as raison. Faut pas se laisser faire. C'est marrant, tu dis ça, mais je sens que tu penses le contraire. Tu finis quand, au fait? Une semaine, 10 jours maximum, dès qu'ils ont signé. Je vais te faire des bonnes pâtes. Et là, le goût esthétique, le goût culinaire pour les pâtes rejoint le goût amoureux Guillaume Leblanc. Vous parliez de cette rencontre entre deux mondes. Là, c'est entre le monde de Franck, joué par Gérard Lanvin, garde du corps, et Mani, joué par Agnès Jaoui, qui elle est serveuse dans un bar et dealeuse de shit aussi occasionnellement. Ils mettent en scène le désir qu'ils ont de se rejoindre, et le film montre l'impossibilité à laquelle ils vont faire face finalement de se rejoindre vraiment. Oui, c'est ça. Il y a d'un côté le mariage raté de Bakri. Et de l'autre, il y a cette possibilité imaginée d'un futur mariage qui est mis en scène dans la séquence qu'on vient de voir et qui ne prendra pas, qui ne pourra pas prendre, parce que d'une certaine façon, les ordres sociaux qui portent les existences ne peuvent pas être abolis dans la rencontre elle-même. Parce qu'au fond, c'est très intéressant comment l'inversion des rôles est imaginée par Agnès Jaoui. C'est tu garderas les enfants et moi je travaillerai. Comment donc on est dans une revendication de rupture à l'égard de formes de domination de genre et comment cette imagination-là fait son chemin. Et comment elle ne peut pas aboutir, parce que à l'arrivée, il y a la violence sociale qui doit remettre, réencastrer l'une et l'autre dans leur niche sociale propre à leur genre, propre à leur fonction, à leur classe. Donc c'est un côté terrible. Et finalement, on a un film qui est basé comme ça sur trois relations au mariage. Le mariage qui part en quenouille de Bakri, ce mariage imaginé qui ne prend pas, et puis peut-être quelque chose qui tient de ce que le philosophe Stanley Cavell appellerait une sorte de possibilité de remariage au sens fort du terme, de rencontre réussie entre la comédienne et Bakri à la toute fin du film. Merci beaucoup Guillaume Leblanc pour cette conclusion avec cette triple possibilité de mariage. J'invite chaque auditeur évidemment à voir ce film et à le revoir. Ça marche très bien quand on le revoit, Le goût des autres. Et à lire vos livres, L'insurrection des vies minuscules aux éditions Bayard, ainsi que Vies ordinaires et vies précaires. On mettra votre bibliographie en ligne sur les sites des Chemins de la philosophie. Et on se quitte avec une chanson à laquelle il est fait référence dans le film. Bakri croit reconnaître une chanson, c'est Juanita Banana. Dans un village de La Havane vivait la jolie Juanita. Comme son père plantait les bananes, on l'appelait Juanita Banana. Elle avait une voix magnifique et rêvait de chanter à l'opéra. Mais son père, qui ne pichait rien à la musique, disait: ma fille a une drôle de voix. Culture, les chemins de la philosophie, le goût des autres, c'est passé de Juanita Banana à Aurélien Bélanger et sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien Bélanger. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante: qu'est-ce que l'archéofuturisme? Alors essentiellement, c'est un terme que j'ai eu la paresse de googliser. Si je l'avais fait, j'aurais découvert, oups, qu'il était en usage chez les crypto-fascistes. Mais c'est comme ça, le terme m'est apparu d'un coup en voyant ma fille aînée traverser une forêt de buis sur un karst, un jour de neige, dans sa combinaison fluo-trottie devenue du temps lointain où les enfants partaient encore en classe de neige. Il faut dire qu'elle faisait la femme préhistorique, une énorme stalactite de glace à la main, une stalactite qu'elle venait de décrocher à l'entrée de la grotte dite de la chèvre, et je me suis dit ainsi, ma fille est archéo-futuriste. Mais je vais vous dérouler comme un fil d'Ariane la succession d'événements qui m'a conduit jusqu'à cette évidence. Alors oui, on vous écoute. Alors voilà, c'était l'autre jour dans l'ouest de la France après la vague de neige. L'occasion rêvée pour descendre dans ce petit canyon plein de grottes dont on sait que certaines étaient occupées à l'ère glaciaire. Le petit Max avait les joues plus rouges que des steaks tartares. Emma s'était fabriqué une sorte d'arc et Jean, je l'ai dit, était bien en sécurité dans sa combinaison fluo. Mais en sécurité, malgré la présence insolite d'un couple d'orocs, nous l'étions tous en réalité en sécurité dans la vallée heureuse du monde moderne. Et j'ai ressenti une grande pitié pour nos ancêtres, les hommes de la préhistoire, qui vivaient dans le froid entouré de prédateurs. Plus encore, j'avais pitié de la petitesse, de la mesquinerie de leur monde. Mais soudain, alors que nous arrivions aux grottes, tout s'est inversé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, tout ce que je croyais connaître du monde immense comme un globe, s'est détaché de moi. J'ai même distinctement vu la coquille d'œuf du système GPS se briser et tomber en dehors de la carte. J'ai réalisé que je ne connaissais rien de ce monde, ce petit monde de la vallée glaciaire, ni le nom des plantes, ni la façon de faire du feu, ni l'odeur du danger. Mon monde immense était une enveloppe vide, un grand continent inhabité. En fait, vous êtes mis à envier le monde petit et plein des hommes préhistoriques, c'est ça ? Exactement, dans un premier temps en tout cas, et c'était la première fois, croyez-moi, que j'éprouvais de la nostalgie pour une époque révolue, mais tout s'est bien remis en place quand je suis arrivé devant la première grotte, celle qu'on visite, qui est un peu aménagée, mais qui est pour l'instant fermée à cause du Covid. L'armoire électrique, près de son entrée, en était en revanche bien ouverte, et j'ai constaté que la grotte était reliée au réseau électrique par un vulgaire compteur Linky, et plutôt que d'y voir un regrettable anachronisme, cela m'a paradoxalement permis d'atterrir au sens que Bruno Latour donne à ce terme. J'étais moins perdu que je croyais entre le présent et le passé, j'étais bien là. Cet objet en attestait, la grotte envoyait comme autant de preuves des données en temps réel à son énergéticien. J'étais devant ce petit compteur fluo, comme devant l'orchidée protégée que m'avait montré cet été l'un des gardiens du site, un site naturel protégé et qui reçoit en tant que tel la visite régulière et quasi chamanique de quantité de naturalistes. Un site dont on prend soin et qui, de cette orchidée à cette grotte connectée, se rattache à un réseau plus grand au sein duquel nous serions comme des chasseurs-cueilleurs de données. Et donc ce serait ça, l'archéofuturisme, une sorte de, une façon de renouer avec le monde plein des peuples premiers ? C'est exactement ce qui m'est apparu, oui, sur le petit sentier enneigé qui nous ramenait au parking où une famille de spéléologues finissait de s'équiper pour aller pique-niquer dans une autre grotte où la température demeurait printanière. D'un coup, le monde moderne m'est apparu comme la plus minutieuse des reconstitutions archéologiques d'un environnement préhistorique. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission aujourd'hui, à qui l'on doit la possibilité d'une hypothèse Bacri. Merci Jules. Ainsi que Manon de la Selle, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. À la lecture des textes, Vincent Schmitt. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour de Jean-Pierre Bacri pour la vie. Nous serons en compagnie de Vincent Delecroix, le philosophe spécialiste de Kierkegaard. On parlera des deux films Smoking, No Smoking, réalisés par Alain René, dont Bacri était le scénariste également. Et on se demandera si choisir, c'est forcément regretter. On parlera donc de déterminisme, de choix, de Kierkegaard et bien sûr de ces deux films Smoking, No Smoking, que vous avez le temps de revoir d'ici demain. D'ici là, vous pouvez aussi réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez aussi télécharger, podcaster cette émission, par exemple, à l'aide de l'application Radio France, très facile d'utilisation, gratuite évidemment, qui vous permet d'écouter chaque émission en direct, mais aussi donc en téléchargement, comme ça, vous l'écoutez où vous voulez et quand vous voulez, puis vous pouvez garder les émissions pour un temps indéfini. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. L'équipe est ravie de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. Mais d'ici là, surtout, Restez à l'écoute sur France Culture.